Daniel Lochac, professeur de droit. Le mot déclaration, il remonte à la fin du XVIIIe siècle. Bien sûr, la déclaration de 1789, la déclaration de 1793, mais aussi, antérieurement, les déclarations américaines. 20 ans avant, 1776, déclaration des droits de Virginie, puis d'Amérique. Et pour les révolutionnaires, le mot déclaration renvoie à une conception du droit naturel. C'est l'idée que les hommes ont naturellement des droits qui ne sont pas créés par les lois d'un État, mais qu'ils ont en tant qu'être humain. Il est dans la nature de l'homme d'avoir ses droits. Et donc, quand on dit déclaration des droits de l'homme en 1789, cela veut dire qu'on ne fait que rappeler des choses qui préexistent. C'est donc une façon de rappeler à tout le monde, aux gouvernants comme aux gouvernés, que ces droits existent et qu'il faut les respecter. Ça a une sorte de vertu pédagogique également. Eh bien, je crois que le mot déclaration, dans le contexte de 1948, obéit un petit peu à la même logique. Ça, c'est la version, je dirais, positive du mot déclaration. C'est sa force symbolique. Mais à côté de ce versant positif, une déclaration, même adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, ça n'est pas une convention. Une convention, c'est un traité. Un traité, il est signé et ratifié par les États. Et une fois qu'ils l'ont ratifié et signé, ils sont engagés. Et s'ils violent cette convention ou ce traité, ils peuvent s'exposer à des sanctions qui, sur le plan international, ne sont jamais capitales, mais il est tenu juridiquement. Tandis qu'une déclaration n'a pas cette force juridique-là. Et c'est bien sûr une des faiblesses de la Déclaration universelle.